Merci de rester à l'écoute et bienvenue à ce journal présenté à langue française dont voici d'abord les principaux titres. La population s'inquiète de la pénurie et du coût élevé de certains médicaments, comme le dénoncent certains rencontrés dans différentes pharmacies situées au centre-ville de Bujumbura, et cela entrave les activités des mutuelles de santé, d'où la nécessité de réguler des prix opérés dans ce secteur, selon la plateforme des mutuelles de santé au Burundi, PAMSAB. Le gouvernement burundais devrait augmenter le budget alloué au secteur agro-pastoral, tel est le souhait émis par le parti savoyen Afro Debout ce dimanche. C'était lors de la célébration du 32e anniversaire de ce parti. Des enseignements concernant la vie conjugale devraient continuer même après le mariage. Le psychosociologue le dit après avoir constaté 7 cas de suicide et 9 autres cas de tentatives, tous liés aux conflits conjugaux en commune Muruta dans la province Kayanza. La chronique sport de ce lundi sera sur certains défis auxquels font face les gardiens burundais d'Obi. Vous aurez plus de détails dans ce journal mis en onde par François Kimana. Et au micro, vous êtes avec Ornella Mucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page santé, certains patients dénoncent une pénurie de certains médicaments prescrits par les médecins dans différentes pharmacies de la mairie de Bujumbura. Ils déplorent que même les médicaments disponibles sont chers. Un exemple donné est d'un médicament qui s'achetait à 15 000 francs bourrou il y a 3 mois, alors qu'aujourd'hui ce médicament s'achète à 27 000 francs burundais. Certains pharmaciens indiquent que cette cherté des médicaments est due au manque de devises. Reportage de Jean-Marie Mayonga. Certains habitants de la ville de Bujumbura disent qu'ils ont des difficultés pour trouver dans les pharmacies des médicaments prescrits par des médecins. Dans certaines pharmacies visitées, les consommateurs affirment que ce n'est pas facile de trouver un médicament, même ceux qui sont disponibles, les prix ont connu une forte augmentation. D'autres disent que les médicaments prescrits par un médecin sont introuvables dans ces pharmacies. Et les pharmaciens leur conseillent de prendre un médicament équivalent à celui prescrit par un médecin. Les médicaments sont chers. Tout a changé. Un exemple, je viens d'acheter un seul médicament qui était à 15 000. Aujourd'hui, je l'achète à 27 000. Un autre qui était à 19 000, je viens de l'acheter à 20 500. Des fois, tu parcours dans différentes pharmacies et tu n'en trouves pas. Et tu cherches dans les autres pharmacies. Une fois trouvé le médicament, tu prends comme ça pour sauver la situation d'une personne qui est malade. Ça fait plusieurs jours que nous remarquons que les prix de certains médicaments ont augmenté. Tu peux avoir une ordonnance médicale d'un médicament que tu achetais auparavant à un prix abordable et trouver qu'aujourd'hui il a doublé de prix. Il y a des cas même où on n'en trouve pas. Moi, je viens de passer une semaine à la recherche d'un médicament prescrit par un médecin et je ne l'ai trouvé dans aucune pharmacie. Je ne sais pas les raisons de ce manque. Les pharmaciens disent qu'il n'y en a pas. Ils demandent aux concernés dans la vente des médicaments de tout faire pour trouver solution à ce problème afin que les médicaments soient disponibles et au prix abordable. Que les médicaments soient disponibles parce que les gens souffrent beaucoup. Vraiment, qu'ils fassent tout ce qu'il faut pour importer les médicaments. Certains pharmaciens de leur côté expliquent que le manque de devises est un des facteurs qui a fait que les médicaments ne sont pas importés en quantité suffisante. Et même ceux qui sont importés, à leur arrivée au pays, les prix sont chers. Un pharmacien explique que cette situation s'est présentée depuis le mois de mars de cette année. Toujours page santé, la flambée des prix des médicaments des services sanitaires entrave les activités des mutuelles de santé, propos du secrétaire exécutif au sein de la plateforme des acteurs mutuels des mutuelles de santé au Burundi, PAMSAB. Espérance Kaneza indique qu'elle se retrouve le plus souvent déficitaire suite à cette montée, plaide pour la régulation des prix opérée dans ce secteur. Aujourd'hui, on remarque que les prix des services de soins ou bien des médicaments augmentent du jour au jour. Et cela constitue un risque pour la viabilité financière des mutuelles de santé parce que on se retrouve pour certaines mutuelles à la fin de l'année qui sont déficitaires, donc qui n'arrivent pas à couvrir toutes les dépenses parce que les coûts des soins ont fortement augmenté. Et donc, pour cela, on demande que le secteur soit vraiment bien régulé. surtout le secteur privé. Parce que cela se remarque surtout au niveau des formations sanitaires du secteur privé, que ce soit également des pharmacies du secteur privé. Mais généralement, au niveau du secteur public, je dirais que c'est vraiment très minime. Les coûts n'augmentent pas du jour au jour et cela vraiment entrave les actions et les activités des mutuelles de santé actuellement. Actuellement, la plupart des formations sanitaires qui sont conventionnées avec les mutuelles de santé et avec lesquelles on engage des dialogues, ils nous informent que généralement, ils ne s'approvisionnent pas auprès de la CAMEPU. Donc, ils sont obligés de s'approvisionner auprès des services privés et qui coûtent cher. Et donc, cela également, en fait, entrave la fixation des prix des médicaments. Parce que dès que ça augmente, ils sont obligés également d'augmenter pour avoir un petit bénéfice par rapport à la vente des médicaments. Je dirais que ça affecte le taux d'adhésion, même si c'est quand même minime. Parce que, par exemple, un mutualiste donc, qui achète le médicament dans une pharmacie privée qui coûte cher, alors que le même médicament, il pouvait l'acheter auprès des formations sanitaires à un prix, à moitié prix, par exemple. En tout cas, pour lui, l'interprétation, c'est comme s'il y a un cadeau vol. On voit qu'à un certain moment, ils sont un peu découragés parce qu'ils trouvent que les services, les coûts des services sont élevés. En tout cas, au niveau des bénéficiaires, ils trouvent que les services coûtent cher. Et quand ils commencent à sentir que le mécanisme coûte cher, la plupart des bénéficiaires donc, commencent un peu à se retirer, donc à ne pas renouveler leurs cotisations pour les années suivantes. Page politique à présent, le parti Sawagna Frodebou plaide pour l'augmentation du budget alloué au secteur agro-pastoral. Cela a été dit ce dimanche par le vice-président de cette formation politique. C'était lors de la célébration du 32e anniversaire de ce parti. Phénias Niigaba demande également au gouvernement burundais de supprimer toutes les barrières non tarifaires pour faciliter la libre circulation des marchandises et des personnes. On l'écoute. Notre programme que nous avions lancé à la population en 1993, en ce qui concerne le secteur agro-pastoral, on avait souhaité à ce que il y ait plus de 50% du budget de l'État qui devrait être dans le domaine agro-pastoral et dans le domaine minier. C'était parce que la grande partie de la population est agricole. Plus de 90%, ce sont des agriculteurs. Alors, il faut voir comment relever l'économie. Il faut maintenant y injecter beaucoup d'argent pour moderniser l'agriculture et pour même exploiter les minerais très facilement. C'est pourquoi, au niveau du président Sawagna Frodebou, on avait prévu plus de 50% du budget qui était alloué à l'investissement dans ce domaine-là. En plus, on avait le projet à ce que tous les produits là utilisés, ici je dis les engrais chimiques, ici on dit tous les produits en rapport avec le domaine agricole devraient entrer d'une façon exonérée, sans toutefois payer les impôts et taxes, pour, disons, voir comment permettre à la population de s'enquérir ça à un prix, je dirais, très bas. En plus, au niveau du Frodebou, on voit que les barrières non tarifaires qui sont dans les différentes routes causent beaucoup de problèmes. Alors, au niveau du Frodebou, il fallait supprimer toutes ces barrières non tarifaires afin de permettre à la population de recevoir ces produits à un prix, je dirais, abordable. Actuellement, vous voyez que ça gêne même la circulation, ça traîne, ça gêne le climat des affaires. Au niveau du Frodebou, on a fait un rappel à nos militants, le souhait du parti Sawagna Frodebou dans ce domaine-là. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page société à présent, les officiers de l'état civil devraient continuer à donner des enseignements liés à la vie conjugale aux mariés, même après le mariage. À propos d'André Florian d'Avalochimana, psychosociologue, c'est après que l'année dernière, 7 cas de suicide liés aux conflits conjugaux ont été enregistrés en commune Muluta de la province Kayanza et 9 autres cas de tentatives de suicide ont été également signalés dans cette même période à Kayanza. Sylvain Wakanibona, conseiller socio-culturel du gouverneur Kayanza, appelle les agents de santé communautaire à créer des centres d'écoute pour gérer ces conflits afin d'intervenir à temps avant qu'il ne soit trop tard. Patrick Sengeyomba. Ces 7 cas de suicides signalés en commune et Muruta ont été enregistrés dans la période allant de mai 2023 à juin 2024. L'administration communale et Muruta confirme les informations selon lesquelles certains des habitants de la commune et Muruta se donnent la mort en se suicidant. Odassia Chiman, administrateur communal, promet de mener des sensibilisations auprès de la population de la commune et Muruta pour qu'elle puisse couper court à cette pratique de se suicider, mais saisir les instances habilitées en cas de conflit de quelque nature soit-elle. Pendant cette même période, 9 cas de tentatives de suicide ont été signalés en province Kayanza, selon la directrice du Centre de développement familial et communautaire. Céline Ndaïsava fait savoir que la majorité de ces cas de tentatives de suicide ont été signalés en cette commune Muruta. André Florian Dabarushimana, psychosociologue à Kayanza, fait savoir que ceux qui se suicident à cause des conflits conjugaux avec leurs mariés le font parce qu'ils n'ont pas reçu d'enseignement suffisant sur la vie conjugale. Ce psychosociologue trouve qu'à cause de beaucoup de cas de suicide qui se font parler dans la communauté, il faut qu'il y ait des centres d'écoute pour que les psychologues puissent aider les personnes qui ont des conflits. Bakarimona Sylvie, lui, conseiller du gouverneur à Kayanza en charge des affaires socio-culturelles, appelle les administratifs et les agents de santé communautaire à intervenir aussi pour réduire les cas de suicide dans la communauté. Des uns et des autres en province Kayanza plaident pour la mise en place des psychologues qualifiés dans la communauté pour qu'ils puissent aider les personnes en situation problème. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Page société, toujours page société, manque criant d'eau potable est signalé à Kidingwe Bihara, c'est en commune de Moura, dans la capitale économique de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec la radio, télévision et Isanganiro ce lundi disent qu'ils viennent de passer 2 semaines sans goutte d'eau dans le robinet. Francine Nyonzima, chef de cellule Kidingwe, de même que les habitants de cette localité, demandent à la régie des eaux de les approvisionner en eau potable. Ils disent qu'ils font recours à l'eau de la rivière Kidingwe ou du lac Tanganyika. Reportage signé Didi Gahimbare. Rencontrée chez elle, ces femmes racontent qu'elles n'utilisent pas les toilettes internes, c'est au manque d'eau. Selon elles, on ne peut pas évoquer la question de la propreté corporelle, la lessive et la vaisselle. Elles ajoutent qu'elles utilisent de l'eau souillée de la rivière Kizingwe pour la vaisselle et pour la cuisson. Elle paye un bidon de 20 litres à 2000 francs bout à quelqu'un qui va puiser cette eau dans le lac Tanganyika. Si tu manques d'eau, la propriété est impossible. Les toilettes ne sont pas torchées, les mouches se trouvent ici et là. Ces femmes continuent à raconter qu'elles peuvent passer une semaine sans se laver. Selon elles, on ne peut pas prendre la douche le matin et le soir. Et cela n'est pas bon pour une femme mariée, ajoute-t-elle. Un bidon de 20 litres d'eau du lac Tanganyika coûte 2000 francs bout. Imaginez alors pour l'eau propre. Ce serait entre 3 et 4 000, voire même 5 000, alors que nous avons des enfants. Est-ce que nous pouvons dépenser combien d'argent pour avoir de l'eau utilisée pendant toute la journée? Un des habitants que nous avons rencontrés venant de puiser de l'eau dans le lac Tanganyika depuis à 10h30, il nous a fait savoir qu'il est allé chercher cette eau dans le lac Tanganyika depuis 7h du matin. À côté du temps, puiser dans le lac Tanganyika, c'est fatigant, ajoute-t-il. Francine Nyonzima, une chef de cellule de Kidingwe Bihara, affirme son problématique de manque d'eau potable dans cette localité. Que ce soit cette administrative à la base, que ce soit ces habitants de Kidingwe Bihara, demandent à la régie des eaux de leur approvisionner en eau potable afin de lutter contre les maladies liées au manque d'hygiène. Les robinets d'eau de la régie des eaux sont là, mais il n'y a pas d'eau. Dans ce quartier, on constate le mouvement de va-et-vient de gens à vélo ou sur pied à la recherche d'eau. Soit dans la rivière Kidingwe ou auprès des robinets d'eau dit Poma Poma d'une organisation Amaziwota. Merci, Lidi Gahimbare. L'administrateur de la commune Mutimbudi dans la province de Bujumbura fait savoir que sa commune n'est pas en mesure de réparer ce qui a été endommagé par l'inondation, y compris les écoles. Siméon Boutoyi demande plutôt au gouvernement de disponibiliser d'autres terrains où les bienfaiteurs peuvent construire d'autres écoles remplissant de bonnes conditions. Le point avec Spescaritas Kabanyana. L'inondation qui a touché certaines zones de la commune Mutimbuzi n'a pas épargné les écoles. Les élèves ont terminé l'année scolaire dans des tentes montées par l'ONG UNICEF, selon l'administrateur de la commune Mutimbuzi, qui précise que même l'année scolaire qui approche va commencer dans ces mêmes tentes, puisque la commune n'est pas à mesure de résoudre le problème. En ce qui nous concerne, la commune, elle seule, n'a pas de moyens pour éloigner ces inondations. Les inondations restent toujours là, car même les eaux en provenance des pluies sont aussi une menace dans la localité de Kajaga. Siméo Boutoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, lance un appel à l'État pour disponibiliser d'autres terrains non inondés. Nous demandons au gouvernement, surtout au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de chercher une autre parcelle pouvant accueillir ces infrastructures et disponibiliser à la commune pour que la commune puisse préparer des projets de construction de nouvelles infrastructures. La commune peut aussi demander des partenaires comme l'UNICEF. L'UNICEF est prêt à construire des écoles comme elle l'a fait ici à Marange. Ces inondations qui ont touché les localités de Gatumba, Kajaga, Kinyinya et autres ont provoqué également une baisse des connaissances chez les élèves puisqu'ils ont été déstabilisés et ne pouvaient plus suivre les cours comme il faut selon les parents contactés. Spécialitas Kawanyana en commune Mutimbuzi pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Chronique sport à présent, instabilité des listes de base pour les gardiens de but et le changement de joueurs défenseurs sont certains défis auxquels font face les gardiens burundais de but. Pour trouver solution à ce problème, Hamidou Hassan, vice-président de l'école nationale des gardiens de but, demande aux entraîneurs d'avoir toujours des listes de base pour les gardiens de but, comme c'est le cas dans les championnats européens où on change le gardien en cas de maladie. Chronique sport avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. L'instabilité de la liste de base pour les gardiens de but burundais reste un défi majeur pour les gardiens lorsque ces derniers jouent avec les joueurs qui ne sont pas habitués à jouer. Propos d'Amidou Hassan, vice-président de l'école nationale de gardiens de but. Le problème qu'on rencontre souvent, c'est l'instabilité de la liste de base. Souvent, il y a beaucoup de changements au sein des défenseurs. Par exemple, je me base sur l'équipe nationale A, ou senior, si vous voulez. Il y a le match, on peut voir Mkombozi et l'autre qui joue. L'autre match, d'autres joueurs qui vont jouer, Frédéric Nyangé, ça crée l'instabilité pour un gardien. Le vice-président de l'école nationale de gardiens de but au Burundi suggère aux entraîneurs burundais d'établir les listes des gardiens titulaires comme cela se fait dans les championnats européens où on change un gardien car le titulaire est blessé ou malade. Un gardien, comme on le voit souvent dans d'autres pays, le gardien est là, celui le numéro 1. On ne le change pas, il est là, on l'encourage. Deux fois, il peut commettre des fautes, oui, mais il est toujours là. Donc, il faut cette longévité. S'il n'y a pas longévité, là, on aura toujours des problèmes pareils. C'est un des problèmes majeurs que moi j'observe, donc il faut que ça soit stable. On choisit un gardien qui est là, qui joue, mais on prépare d'autres, deux ou trois qui sont derrière lui. Si une fois ça ne marche pas complètement, on le change et on aura bien sûr de bons résultats. Malgré cela, Hamidou Hassan se réjouit de l'étape déjà franchie par les gardiens burundais du fait qu'ils sont plus souvent transférés dans les différents championnats africains. Actuellement, je peux dire que le niveau, on a nos ambassadeurs à l'extérieur du pays. Il y a ceux qui ont commencé à jouer ici, chez nous, en première division, dans les divisions inférieures, qui sont actuellement ailleurs. Et on peut citer des noms. Il y a les Jonathan Aimana, ça fait à peu près 6 ou 7 ans comme ça qu'il est à l'extérieur. Il y a Fabien Mutombola, il y a Léonésime actuellement qui est au Rwanda, il y a Justin. Il y a pas mal d'autres qui évoluent très bien actuellement à l'étranger. Ils sont passés chez nous, ils ont fait quelques stages chez nous, ils ont joué le championnat, ils sont ailleurs. Ça montre bien qu'on a une bonne évolution côté football, surtout côté gardien de but. Pour renforcer le métier de coaching des gardiens de but au Burundi, le vice-président de l'Association nationale de gardiens de but demande à la Fédération burundaise de football FFB d'organiser beaucoup de formations pour les entraîneurs des différents championnats. À 18h20, et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À la présentation, vous étiez avec Ornella Mucho. Isa.